Est-ce que je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine? Oui, madame. Quelle pointure faites-vous? Je fais du 38. Voilà. Alors, ça va? Non, c'est trop petit. Est-ce que vous avez le même modèle en 39? Non, désolée. Mais j'ai un autre modèle dans le même style. Vous voulez l'essayer? Oui, pourquoi pas? Alors, ça vous plaît? Non, pas vraiment. Je vous remercie, je vais réfléchir.